Chapitre 13. Ce qu'il y a de plus douloureux dans une maison que la mort vient de frapper, c'est peut-être le silence. Quand la catastrophe a été précédée par une longue maladie, les parents ont eu le temps de s'assouplir, les voix de s'abaisser jusqu'au murmure, les murailles elles-mêmes semblent s'être capitonnées pour mieux étouffer le son. Mais quand un coup soudain frappe la demeure de famille en plein cœur de joie et de prospérité, le grand arrêt de la vie qui s'ensuit a quelque chose de saisissant, comme le silence profond qui suit les éclats de la foudre. Geneviève le sentit, ce recueillement muet qui accompagne la mort du maître. Elle l'avait senti déjà dans la maison soudain si vaste, aux portes grandes ouvertes, dans une attente désolée. Mais cette impression, sans cesse atténuée par les pas des parents, la visite des amis, le bruit de l'enfant qu'on ne pouvait contraindre à se taire, n'était rien auprès de ce qu'elle éprouva en entrant dans le grand moulin vide, muet depuis la mort du maître. Depuis la veille, elle résistait à l'impulsion qui l'amenait là, mais aux lueurs de l'aube, se rappelant que 24 heures auparavant il lui avait parlé dans la cour pour la dernière fois, elle ne put résister au désir de faire le triste pèlerinage. La clé, accrochée par son rein à l'endroit où François la mettait tous les soirs, tentait la main de Geneviève. Elle la prit, et jetant un coup d'œil sur la salle où Jean déjeunait avec sa grand-mère, elle s'en alla lentement à travers la cour, où elle voyait marcher devant elle l'ombre de l'époux défunt qui dormait là-haut d'un sommeil éternel. Elle mit la clé dans la grande porte, comme François l'avait fait tant de fois. Jamais elle n'était venue à cette heure matinale, et elle eut quelque peine à ouvrir. Elle entra pourtant et s'arrêta, saisie d'une vague terreur. Le moulin paraissait énorme. Les hautes murailles de pierre brute, tapissées jusqu'aux poutres du toit d'une impalpable poussière de farine, semblaient revêtues de suaire. Les longues toiles d'araignée pendant de la charpente, qui eussent été noires partout ailleurs, étaient d'un gris blanchâtre et blafard. Le jour entrait par les grandes fenêtres et tombait tristement sur les meules immobiles. Les 5 pères qui avaient travaillé la veille portaient encore tous les signes du travail. La trémie était à demi pleine, les caisses de farine à demi vides, mais le regard de la veuve alla droit à la meule brisée, à l'instrument du meurtre. Le moulin avait tué son maître, c'était injuste, inique. Le meunier n'avait-il pas toujours été doux et bon aux hommes et aux choses? Geneviève s'approcha de la meule avec le sentiment d'une colère indicible, d'une révolte inexprimable. Pourquoi cette pierre avait-elle tué son François? Soudain, le calme surhumain qui l'enveloppait depuis la veille comme un manteau glacé disparut comme un rêve. Elle tomba prosternée sur le sol, au milieu des éclats de la meule brisée, et son âme s'exhala en cris éperdus. Au dehors, l'eau qui s'ouvre à travers les vannes et se hâte dans les rigoles moussues quand le moulin est au repos, tombait sur les palettes immobiles avec un bruit de larmes. Elle était là depuis longtemps, criant et appelant François d'une voix désespérée, lorsque Sorin, inquiet, passa la tête par la porte restée entrebâillée. « Maîtresse, » dit-il à voix basse. Geneviève se trouva debout, le front haut, le regard fixe. « Qu'y a-t-il ? » demanda-t-elle en lissant ses cheveux et son tablier. « Vous vous faites du mal, pensez au petit Jean Frappier, c'est à lui le moulin maintenant. Il va falloir qu'il vive de ce qui a tué son père. Pensez à Jean Frappier, madame Bocquen. » Cet homme simple, ignorant les belles phrases, il parlait comme il pensait, sans suite, mais la veuve le comprit. « C'est bien, Sorin, c'est bien, vous avez raison. » Et puis le défunt ne doit pas rester seul. » Elle sortit, après avoir jeté un dernier coup d'œil à la meule brisée. Au moment où elle allait retirer la clé de la porte, Sorin tendit la main pour la prendre. Elle la lui donna et marcha jusqu'à la maison sans se retourner. Le garçon meunier entra à son tour dans le moulin et marcha droit à la meule brisée. Il se croisa les bras et la regarda pendant un instant avec une fureur contenue. « Ah, la traître » dit-il enfin, en lui montrant le poing. « Ah, la gueuse qui a tué son maître, la coquine, un si bon maître !»« Ce n'est pas Simon ni la quenelle qui vont mener le moulin à 7 heures. Ce sera la Geneviève. Elle a plus de tête que tous. Mais à mon idée, elle a le cœur bien malade. » Et en attendant que le petit Jean Frappier Bocquen soit devenu meunier. Il alla chercher le balai dans un coin et balaya l'air du moulin avec autant de soin que si c'eût été le pavé de mosaïque d'un palais. Puis il prit un levier et fit sauter à terre le morceau de meule qui était resté et qui se brisa en tombant. Sans se décourager, il recommença à balayer jusqu'à ce que les moindres parcelles de grès eussent disparu. « Tant pis, » dit-il, Je m'en vais écrire au marchand de meules pour qu'il m'en envoie une. Il ne faut plus que Madame Geneviève revoie cette place-là vide comme elle est. Jean Frappier a besoin d'elle. Ce n'est pas la quenelle qui la remplacerait. Ah, mais non. Ayant ainsi formulé son opinion sur le compte de Victoire, il s'assura d'un coup d'œil que tout était en ordre, sortit et emporta la clé qu'il remit à sa place.